Vous écoutez CKRL au 89.1 et nous allons terminer Futur Simple avec quelques actualités scientifiques portant sur la production d'énergie. On commence avec François qui nous raconte qu'une équipe de chercheurs du Virginia Tech a mis au point une pile fonctionnant avec du sucre et dont la densité de stockage est inédite. Ces piles pourraient dans un avenir proche alimenter nos téléphones, nos vêtements intelligents, nos tablettes, consoles et autres appareils électroniques mobiles. Oui, alors c'est ce que révèlent les travaux réalisés par Percival Zhang, professeur agrégé d'ingénierie des systèmes biologiques au Virginia Tech, et ces travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications. Alors, le sucre, c'est un parfait élément naturel de stockage d'énergie, ça on le sait. C'est une source d'énergie indispensable pour l'être humain. Et c'est en voie de devenir un carburant pour des futures piles à combustible dont les performances s'annoncent très prometteuses. On sait que les piles à combustible alimentées par du sucre ne sont pas une nouveauté, mais celle-ci a une densité de stockage d'énergie 10 fois supérieure à celle d'une batterie au lithium. Mm-hmm. Donc, c'est pas négligeable. Mm-hmm. Elle peut donc fonctionner beaucoup plus longtemps avant son réapprovisionnement, tout en étant moins chère, rechargeable et biodégradable. Je veux bien, mais il faudrait que tu m'expliques comment ça fonctionne. Une pile au sucre. C'est pas évident. Ouais. Hein? Comme toutes les piles à combustible, la pile fonctionnant au sucre fait réagir un carburant avec de l'air pour produire de l'électricité et de l'eau comme principal sous-produit de réaction. Alors, le carburant utilisé, c'est de la maltodextrine, c'est-à-dire un mélange de sucre à plus ou moins longue chaîne obtenu à partir de l'hydrolyse partielle de l'amidon. Donc, autrement dit, on part de l'amidon, on le fait réagir, on l'hydrolyse. On le coupe en petits morceaux. On le coupe en petits morceaux, en fait, en petits chaînons, ce qu'on pourrait dire. Et ça constitue, ça, ce mélange-là, la maltodextrine. Mm-hmm. Alors, les chaînes de maltodextrine peuvent renfermer de 3 à 19 maillons de sucre. Et les électrons stockés dans la solution sucrée sont libérés lentement, étape par étape, à l'aide d'une cascade enzymatique qui fait intervenir 13 enzymes différentes. Le résultat de la réaction fait que la pile à combustion libère 24 électrons pour chaque maillon de glucose contenu dans la chaîne. Mmh. Il s'agirait là d'une première car la densité d'énergie obtenue est 10 fois supérieure à ce qui a pu être accompli jusqu'à présent. Mmh. Une telle pile à combustible enzymatique contenant une solution à 15% de maltodextrine a une densité de stockage d'énergie de 596 ampères-heure par kilogramme de solution. Ça veut dire, c'est une charge, ça, 596 ampères-heure. Ça veut dire que ça pourrait délivrer 596 ampères pendant une heure ou 1 ampère pendant 596 heures et toutes les possibilités intermédiaires. Ouais. Alors, malheureusement, la littérature que j'ai consultée, bon, j'avais pas accès vraiment à l'article qui avait été publié. L'article en entier, c'est ouais. ça, ne faisait pas mention de la différence au potentiel de la pile, c'est-à-dire le voltage développé par la pile, parce que c'est quand même important. Il peut y avoir beaucoup d'électrons, mais si ça produit 0.1 volt, c'est pas vraiment intéressant. Mais ça, c'était pas documenté, donc... Mais en plus de... Donc, on comprend qu'il y a une grande densité de stockage d'énergie, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser ce genre de pile à combustible avec du sucre? Bien, les autres piles à combustible connues utilisent soit de l'hydrogène ou du méthanol comme combustible, des substances dangereuses parce qu'elles sont soit explosives comme l'hydrogène, soit inflammables comme le méthanol. Ouais. Dans la pile au sucre, bien, la solution de maltodextrine n'est ni explosive ni inflammable. De toute façon, c'est une solution aqueuse, donc ça ne peut pas s'enflammer. De plus, les enzymes et les combustibles utilisés pour construire le dispositif, ils sont biodégradables. Mm-hmm. La batterie est également rechargeable. Le sucre peut être ajouté un peu comme lorsqu'on remplit une cartouche d'encre. Donc, comme dernier avantage, le catalyseur utilisé dans ce genre de pile, ce sont des enzymes que l'on peut produire à faible coût comparativement au platine, un métal très dispendieux qui est utilisé généralement dans les piles à combustible conventionnel. Donc, si je comprends bien, ces piles, en plus d'être sécuritaires, sont aussi plus environnemental. Ben, selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, l'EPA, des milliards de piles toxiques sont jetées chaque année aux États-Unis. L'EPA considère que ça constitue une menace pour l'environnement et la santé humaine. Cette découverte pourrait donc contribuer à éviter l'entassement de centaines de milliers de tonnes de batteries dans les décharges. Par contre, la production de la maltodextrine à partir d'amidon pourrait devenir un problème environnemental au même titre que la production d'éthanol carburant à partir de de la culture de maïs. Ah ben oui. En fait, on sait qu'est-ce qui se passe. En fait, ça serait dommage qu'on dévie une partie de la culture de maïs, du blé ou de la pomme de terre pour produire de l'amidon qui serait à la base de la production de la maltodextrine. Ouais, il va falloir choisir entre se nourrir ou s'éclairer. Ouais. C'est ça, avec des piles. Ouais. Et est-ce qu'on va bientôt pouvoir en acheter de ces fameuses piles au sucre? Ben, il y a encore du chemin à parcourir avant d'atteindre ce résultat. L'un des côtés novateurs de cette biobatterie est qu'elle utilise des enzymes non immobilisées. Cette méthode permet de conserver intacte l'activité des enzymes et ça facilite le transfert des électrons. Certaines enzymes industrielles sont très stables. Par contre, l'objectif des chercheurs est d'augmenter la stabilité et la densité énergétique des enzymes. D'ailleurs, le professeur Zhang est à la recherche d'investisseurs et des partenaires industriels pour faire aboutir le projet le plus rapidement possible. Et ils espèrent ainsi que la production s'opère d'ici peut-être 3 ans. Non, c'est pas dans un futur si lointain non, que ça, c'est quand un même. Fait. C'est quand même un futur réaliste. Pour ce qui reste quand même de recherche à faire. Ouais, oui, c'est ça me surprend pour moi ce qui aussi. Reste que le temps soit si petit. Merci François. Et je suis certain que quand ça va arriver, on va en entendre parler. Ouais. Et toi Valérie, de ton côté, c'est la production d'hydrogène qui a retenu ton attention, à commencer par les batteries qui produisent de l'hydrogène. Oui, exactement. Donc, des bactéries. Donc il s'agit de recherches menées au Portugal par Angela Abreu, qui est chercheure à l'Université du Minho. Alors, elle utilise des bactéries thermophiles, c'est-à-dire des bactéries qui aiment la chaleur. Et effectivement, c'est des bactéries qui se reproduisent entre 70 et 80 degrés Celsius. On serait mal pris à cette température-là, nous autres. Oui, c'est un fait. Donc, ces bactéries, quand on les prive d'oxygène, elles font une fermentation anaérobie. Et elles transforment la matière organique en acide organique et en hydrogène. Donc, c'est ça qui nous intéresse, la production d'hydrogène. Mm-hmm. Alors, il y a deux avantages environnementaux à cette production d'hydrogène par des bactéries. Le premier est que c'est une façon de recycler des déchets organiques, puisque la bactérie produit de l'hydrogène à partir de matière organique. Et le deuxième avantage, c'est que les méthodes de production d'hydrogène qu'on connaît actuellement passent le plus souvent par des combustibles fossiles. Donc, c'est pas gagnant sur le plan environnemental. Parce qu'on reste pris avec le pétrole. C'est ça. Donc, avec ces bactéries-là, on a un processus qui non seulement consomme des déchets et en plus contourne l'utilisation des combustibles fossiles. Mais est-ce que ces bactéries pourraient fournir assez d'hydrogène pour une utilisation industrielle ou encore alimenter des véhicules? Oui, c'est un peu comme l'histoire des piles à sucre, quoique c'est peut-être encore plus loin, même là dans le cas de ces bactéries. On est certainement loin de la coupe aux lèvres, mais cette recherche a été présentée en janvier dans un congrès international sur l'environnement et les énergies alternatives, un congrès qui était organisé par la NASA, l'Agence spatiale européenne et le C3P, qui est un centre de prévention pour la pollution. Et cette recherche a reçu la distinction de la meilleure présentation orale du congrès. Donc, il faut croire que la NASA et l'Agence spatiale européenne s'y sont intéressés. Alors, peut-être qu'un jour, des fusées de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne s'envoleront avec de l'hydrogène bactérien. Ouais. Mais là, je pense que ça va prendre plus que 3 ans. Effectivement, mais c'est très intéressant. Et les Portugais ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'hydrogène. Alors effectivement, il y a bien d'autres chercheurs qui s'intéressent à la production d'hydrogène. Donc très rapidement, deux autres nouvelles sorties également au mois de janvier. Il y a une équipe réunissant des chercheurs espagnols, néo-zélandais et d'Arabie saoudite qui ont publié dans la revue Scientific Reports. Alors ça, c'est la revue en accès libre de la célèbre revue Nature. Donc ils ont publié une revue démontrant la production d'hydrogène à partir d'eau et de soleil, donc là des matériaux assez inoffensifs, on va dire. Et très abondants. Ouais, grâce à des nanomatériaux capables de catalyser l'hydrolyse de l'eau. Mm-hmm. Donc là, par contre, dans les nanomatériaux en question, il y avait du titane. Donc là, c'est peut-être moins abondant. En tout cas, il y a certainement une difficulté à ce niveau-là. Quand même. Mais c'est quand même une production qui contourne le problème des hydrocarbures. Pétrole, c'est ça. Et c'est pas tout aussi de produire de l'hydrogène. Si on veut un jour avoir des voitures qui roulent à l'hydrogène, va falloir avoir des stations essence, entre guillemets, qui nous fournissent de l'hydrogène. Uh-huh. Donc c'est aussi un point sur lequel planchent certains chercheurs, en particulier au Japon. C'est donc GX Holdings, c'est un drôle de nom pour les Japonais, mais donc c'est l'un des plus grands grossistes de pétrole, qui a présenté en janvier à une technologie pour distribuer de grands volumes d'hydrogène sous forme liquide à un prix équivalent à la distribution de l'essence. Mmh. Et ils espèrent ainsi que ça va aider à la diffusion de voitures à piles à combustible. Oui, ça serait bien aussi parce que le produit de combustion d'hydrogène, c'est de la vapeur d'eau. Hein. Ben oui, exactement. Donc les c'est CO2, pas très polluant. Non, c'est ça, c'est pas très polluant, mais le problème pour l'instant, c'est de produire l'hydrogène oui. et de le distribuer. Effectivement. Et puis, bon, l'hydrogène liquide, je sais pas, c'est toujours très sécuritaire non plus. Pas évident, effectivement, ouais, parce que c'est très explosif ouais. et c'est effectivement un gaz ouais. à la température. Mais les gens y réfléchissent. Oui, tout à fait. Alors, on passe au mot de la fin. Merci Valérie.